Mais qui l'eût cru qu'un jour ou l'autre, il eût fallu lui nettoyer le cul, Mais qui l'eût cru, qu'un jour ou l'autre, il eût fallu lui nettoyer le cul, Mais qui l'eût cru, qu'il eût fallu lui nettoyer le cul, Oh, oh. Qui l'eût cru, qu'un jour ou l'autre, il eût fallu lui nettoyer le cul, Mais qui l'eût cru, qu'il eût fallu lui nettoyer le cul.